إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi, hafidhahu Allah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait entamé le chapitre de l'obligation de placer sa confiance en Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, hafidhahu Allah, a cité une panoplie de versets dans ce sens. On avait lu l'explication ou l'exégèse de Cheikh Sa'di, Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, de nombreux de ces versets, et on s'était arrêté à quel verset exactement? Qui s'en rappelle? Non. C'est bien ça. Ahsant. On s'est arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. طيب. Et le dernier verset expliqué était celui d'avant, celui de les versets de sourate An-Nahl. قال المؤلف حفظه الله وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال جل وعلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Le verset 58 de Sourate Al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et place ta confiance au tout vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le. Et Allah azza wa jalla dit dans les versets 217 à 220 de Sourate Al-Shu'ara, qui est traduit par Sourate les poètes. Et place ta confiance au Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqoum, celui qui te voit lorsque tu te lèves, c'est-à-dire lorsque tu te lèves pour prier la nuit. Wa taqallubaka fi sajidin, et tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui entend tout et qui est connaisseur de toutes choses. Et dans le verset 79 de Sourate An-Naml, les fourmis, Allah Azza wa Jalla dit, et place ta confiance en Allah. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fatawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah, tu es certes dans la vérité manifeste. Cheikh Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'explication de ce 79e verset de Sourate An-Naml. Il dit, rahimahullahu ta'ala, أي اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقام الدين وجهاد الأعداء إنك على الحق المبين الواضح والذي عليه والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل فإنه يسعى إلى أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية وأيضا لا شك فيه ولا مرية ولا وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هداهم. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans ce 79e verset de Sourate An-Naml, il dit, c'est-à-dire, accroche-toi à ton Seigneur, reviens à lui dans les bénéfices et dans les bienfaits que tu souhaites et dans le mal que tu veux éviter. Et également, place ta confiance en Allah dans la transmission de la religion, dans la transmission de ton message, dans l'application de la religion et dans le combat des ennemis. Innaka ala al-haqq al-mubin. Tu es certes dans la vérité manifeste, c'est-à-dire qui est claire. Et celui qui est dans la vérité appelle à celui-ci et met en œuvre les moyens qui permettent de donner victoire à cette vérité, eh bien, cette personne-là est celle qui doit le plus placer sa confiance en Allah. Car il est dans une chose, il suit un chemin dont il est persuadé de la véracité et dont il n'a aucun doute. Ainsi, celui qui appelle à Allah Azzawajal, celui qui appelle à l'islam, il sait que l'islam est la religion de vérité. Le musulman n'a aucun doute. Et lorsque l'on dit un musulman, un croyant, la croyance c'est de croire en une chose de façon ferme. Lorsque l'on croit en Allah Azza wa Jal, lorsque l'on croit aux piliers de la foi, c'est une certitude pour nous. Nous n'avons aucun doute que Allah Azza wa Jal existe. Et nous n'avons aucun doute dans notre croyance aux prophètes, aux anges, aux livres, au jour dernier, au destin, etc., etc. Ainsi, celui qui est dans la vérité, eh bien, c'est lui qui doit le plus placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part, parce que c'est la vérité, mais également, comme le dit Cheikh Sa'di, وَأَيْضًا فَهُوَ حَقٌ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ. Mais c'est une vérité qui, en plus d'être une vérité, est extrêmement claire. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses ambiguës dans cette vérité. Et ainsi, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il prend la responsabilité de ce qui lui a été confié, et bien qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il place sa confiance en Allah azza wa jal, et bien le mal de ceux qui se sont égarés ne le touchera pas. Ne le touchera pas. Ainsi, lorsque tu places ta confiance en Allah azza wa jal, c'est-à-dire que tu sais qu'Allah azza wa jal est le seul qui peut t'apporter un bien, et c'est lui subhanahu wa ta'ala le seul qui peut t'éloigner d'un mal. Ainsi, tu n'as peur de personne. Wa qala Allahu jalla dans le verset 48 de sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla dit, et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit, Rabbana alayka tawakkalna, ô notre Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous revenons, c'est-à-dire, c'est vers toi que nous demandons le pardon, et c'est vers toi que nous nous repentons, wa ilayka al-masir, et c'est vers toi que nous retournerons. Et dans Surat At-Taghabun, le verset 13, Allah Azza wa Jalla dit, Allah, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que lui. Et c'est envers Allah que les croyants placent leur confiance. Dans Surat At-Talaq, Surat le divorce, le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens, et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah Azza wa Jal fait toujours ou met toujours en application ses commandements. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah Azza wa Jal a donné à chaque chose sa juste mesure. À chaque chose sa juste mesure. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ce verset 3 de Surat At-Talaq. Il dit, rahimahullah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. إلدي رحمه الله. En parlant d'Allah Azzawajal, est celui qui place sa confiance en Allah, c'est-à-dire dans les sujets de la religion et de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui nous sont favorables et dans le repoussement de ce qui nous est défavorable et nuisible, et qui place sa confiance en Allah dans la facilité de cela, alors il est فَهُوَ حَسْبُهُ, alors Allah suffit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla te suffit dans la chose sur laquelle tu as placé ta confiance en lui. Et une chose, ou un sujet, ou une situation dont Allah Azza wa Jalla a pris la responsabilité et qu'il en est le tuteur, Allah Azza wa Jal qui est le riche, le fort, le tout-puissant, le très miséricordieux. Lorsque tu t'en remets à Allah Azza wa Jal et que tu désires un bien ou que tu veux être repoussé d'un mal et que tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Autrement dit, tu sais qu'Allah Azza wa Jal est ton tuteur dans cette chose. Ce n'est pas n'importe quel tuteur, c'est Allah Azza wa Jal, le riche, le fort, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et, comme l'a dit Cheikh Sa'di, mais il est possible que la sagesse divine choisisse de retarder cette chose à plus tard. Lorsque tu veux un bien, lorsque tu veux être épargné d'un mal, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Mais ce bien ne te parvient pas encore, ou ce mal, tu n'en es pas encore préservé. Cela tarde à venir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah met en application son commandement. C'est-à-dire que le destin Et la prédestination d'Allah Azzawajal est dans tous les cas mise en application. Et c'est pour cela également qu'Allah Azzawajal a dit قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدَرًا. Allah a donné à toute chose sa juste mesure. Sa juste mesure à la fois dans le temps et dans la quantité. Tu veux peut-être un bien, mais tu n'auras pas forcément tout ce bien. Tu le veux tout de suite, mais tu ne l'auras pas forcément tout de suite, mais plus tard. Tout ceci en totale concordance avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui place sa confiance en Allah azawajal ne doit pas faiblir, il ne doit pas baisser les bras, il ne doit pas baisser dans sa confiance qu'il place en Allah azawajal parce que telle ou telle chose n'est pas encore arrivée. Et tawakkul, de placer la confiance, vous savez tous que c'est une adoration. C'est une adoration, donc elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité tous ces versets qui prouvent l'obligation de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et que les prophètes envoyés et vertueux plaçaient tous leur confiance en Allah et en Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il cite ensuite les hadiths rapportés, ou quelques hadiths rapportés dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rapport avec at-tawakkul. وَمِمَّا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنَ الْأَحَدِيثِ فِي التَّوَكُّلِ مَا يَلِي. Et ce qui a été rapporté dans la sunna comme ahadith concernant le fait de placer sa confiance sont les suivants. أولاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث حسن أخرجه الترمذي في الزهد وابن ماجة في الزهد أيضا والحاكم صححه علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وحسنه علامة اليمن الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح. Le premier hadith est le hadith d'Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, alors il vous aurait accordé votre pourvoyance, comme il accorde sa pourvoyance aux oiseaux ou à l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui revient en fin de journée le ventre plein. Hadith jugé bon, apporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Ahmed dans son Musnad, Al-Hakim dans son Sahih, et c'est un hadith jugé bon, jugé authentique par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et jugé bon par Sheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Et on lira par la suite les commentaires de Al-Lajna Da'ima, du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, concernant ce hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. ثانيا عن عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر ومعه النفر والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتؤون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. رواه البخاري في الرقاق ومسلم واللفظ للبخاري من حديث على ربهم والشاهد من الحديث وعلى ربهم يتوكلون. Le second hadith cité par Sheikh Al-Wasabi حفظه الله. Et le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه. Qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les communautés m'ont été exposées. » Et j'ai trouvé un prophète qui passait et avec lui une communauté. Et un autre qui passait et avec lui un nafr. Un nafr, c'est-à-dire un rahd. Et un rahd, c'est entre eux. 3 et 9. Et un prophète qui passait avec lui 10 personnes. Et un prophète qui passait avec lui 5. Et un prophète qui passait avec lui Yamur Wahda, qui passait tout seul, sans personne avec lui. J'ai alors regardé فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. J'ai alors regardé et j'ai vu une immense foule noire. J'ai dit, ô Jibril, est-ce ma communauté? Il a dit, non. Mais regarde plutôt à l'horizon. فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ. C'est alors que j'ai vu un grand noir, encore plus grand. قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ. Et Jibril, alayhi salam, alors du prophète, alayhi salam, voici ta communauté, celle qui a l'horizon qui est encore plus nombreuse. Et ceux-là sont les 70 000, et ils sont précédés par les 70 000, c'est-à-dire devant, ou ceux qui sont à l'avant de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont 70 000 personnes. Et Jibril alayhi salam a dit la hisaba alayhim wa la azab. Ils ne seront ni jugés et ils ne seront pas soumis au châtiment. Autrement dit, ils rentreront au paradis directement, sans jugement et sans châtiment. J'ai dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi ces 70 000 ont ce privilège d'entrer au paradis sans jugement et sans châtiment? Et Jibril alayhi salam a dit, « Kanu la yaktaoun » Il n'utilisait pas ou il ne procédait pas à al-kay. Qu'est-ce que le kay? La cautérisation. La cautérisation qui est de se soigner par le feu. Quel est le jugement de al-kay? C'est détestable. Ce n'est pas interdit, c'est détestable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akhiru dawa al Kay. S'il n'y a pas d'autre remède, alors le dernier des remèdes est Al-Kay. Et ceci est beaucoup utilisé dans les pays entre guillemets sous-développés, mais était aussi beaucoup utilisé auparavant, où ils soignaient par exemple des blessures en passant un fer chaud dessus, pour notamment souder en quelque sorte les veines qui laissaient couler le sang. Donc Al-Kay a des bénéfices. C'est un moyen de guérison. Mais parce qu'il utilise le feu ou des choses brûlantes, il est déconseillé et ce doit être le dernier des recours. Et le mieux est de ne pas l'utiliser. Et la preuve est que ce qui caractérise, ou une des caractéristiques de ces 70 000 personnes est qu'ils n'avaient pas recours au Kay, à la cautérisation. وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Ils ne demandaient pas à ce qu'on leur fasse des ruqya. استرقى Istarqa, c'est-à-dire tu demandes qu'on te fasse la ruqya. Et il y a une autre version où le terme wala yarqoun qui est shadha. Une autre version où il y a le terme qui ne font pas la ruqya et qui ne demandent pas à ce que on leur fasse. La version qui dit ils ne font pas la ruqya est une le terme qui ne font pas la ruqya est un terme shadh, da'if, faible, qui contredit les autres versions qui sont plus nombreuses et plus authentiques. De demander la ruqya de celui qui est malade, parce que beaucoup pensent que la ruqya c'est uniquement pour ceux qui sont possédés par un djinn, ou qui sont atteints d'un mauvais œil ou de sorcellerie. Et c'est que dans ce cas uniquement qu'on fait la ruqya. Non, la ruqya tu l'as fait dans les cas où, beaucoup plus vaste que cela, lorsque tu es malade, lorsque tu es atteint d'une maladie, etc., et bien tu fais la ruqya. Tu lis sur toi la, les incantations bien sûr, contiennent des versets du Coran et des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc de demander à ce qu'on fasse la ruqya ne fait pas partie des caractéristiques de ceux qui veulent faire partie des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Est-ce qu'il est interdit de demander à ce qu'on fasse ruqya? Non. Cela n'est pas interdit, mais le mieux est de faire la ruqya soi-même. Le mieux est de faire la ruqya soi-même. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ التَطَيُّر, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est la superstition, c'est de considérer qu'un événement qui a eu lieu, eh bien, est un avant-signe d'un malheur qui arrive ou d'un bonheur qui arrive. Comme ici, atatayur, c'est le fait d'utiliser les oiseaux, de voir les oiseaux dans le ciel. S'ils prennent telle direction, cela est un bon signe. S'ils prennent une autre direction, cela est un mauvais signe. Par contre, atatayur est une chose interdite. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ce sont les quatre caractéristiques de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans jugement et sans châtiment, qu'Allah azza wa jalla fasse, que l'on en fasse partie. Et un homme qui est Ukash ibn Mihsan, na'amah. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et un homme, Ukash ibn Mihsan, s'est alors levé et a dit, ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Ukash ibn Mihsan, radiallahu anhu, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah à ma faveur pour que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, fais en sorte qu'il fasse partie d'eux. Et l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucée. Et nous pouvons attester que Ukash radiallahu anhu fait partie de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et un autre homme est venu et s'est levé et a dit, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, Ukash t'a précédé. Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a précédé. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la partie du hadith qui est en rapport avec le sujet que l'on traite actuellement est bien sûr la dernière phrase. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Thalithan. Wa anhu aydan. رضي الله عنه أي عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه البخاري مختصرا ومسلم. Le troisième hadith est également le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ô Allah, c'est à toi que je me suis soumis, et c'est en toi que je crois, et c'est en toi que je place ma confiance, et c'est vers toi que je reviens, c'est-à-dire que je me repens. Wabika khasamt, et c'est par toi que j'ai le dessus face à ceux avec qui je polémique. Ô Allah, je demande ta protection par ta puissance. Il n'y a de vraie divinité que toi, de ne pas m'égarer. Tu es le vivant, celui qui ne meurt pas, et les djinns et les humains meurent. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la phrase dans le hadith qui est en rapport avec le sujet est « وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتْ » et c'est envers toi que je place ma confiance. رَابِعًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَزَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعُضَاهِ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله الله الله ولم يعاقبه وجلس رواه البخاري ومسلم. Le quatrième hadith. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit qu'il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la région de Najd. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de cette ghazwa, de cette bataille, il est revenu avec lui, c'est-à-dire Jabir radiyallahu anhu. Et dans leur retour, ils ont été touchés par une forte chaleur, une canicule, dans une vallée pleine d'arbres avec des épines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors arrêté pour se rafraîchir, pour se mettre à l'ombre, car il était très difficile de continuer la route sous une chaleur comme celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors arrêté et les gens se sont dispersés, chacun recherchant un arbre sous lequel il pouvait rester, sous lequel il pouvait être à l'ombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lui aussi placé sous l'ombre d'un arbre. Et il a attaché à cet arbre son épée sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde s'est mis à dormir pour se reposer et profiter de ce moment. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés. Il a appelé ses compagnons radiyallahu anhum. Wa idha indahu a'rabi. Et il y avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bédouin. Faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im. Cet homme, c'est-à-dire ce bédouin, a pris mon épée alors que je dormais. Je me suis alors réveillé, wa huwa fi yadihi salta, et mon épée était dans sa main dégainée. Et ce bédouin a dit, qui peut m'empêcher de te tuer? Le prophète sallam allongé, un homme debout en face de lui. Le prophète sallam venait de se réveiller, un homme debout en face de lui, l'épée dégainée, prêt à le tuer. Et cet homme a dit au prophète sallam, voilà, dans cette situation, qui peut m'empêcher de te tuer? tous les compagnons dorment. D'accord? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَقُلْتُ Allah ثَلَاثًا. J'ai alors dit Allah trois fois. Allah, Allah, Allah. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam place sa confiance en Allah azza wa jal pour le préserver d'un mal qui est le fait d'être victime d'une attaque imminente d'une personne qui est en face de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut compter sur l'aide d'aucun de ses compagnons car tous dorment, mais uniquement de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version qui explique plus ce hadith, l'épée est tombée de la main de cet homme, de ce bédouin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi. Et c'est l'inverse qui a eu lieu, à savoir que c'est cet homme qui s'est retrouvé allongé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épée dégainée au-dessus de lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Man yamna'uka minni ?» Qui peut te préserver de moi ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où il y a la fin de ce hadith, « Walam yu'aqibhu wa jalas » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. N'a pas réprimandé cet homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait le faire. Il aurait pu dire à ses compagnons, « Celui-ci voulait me tuer, occupez-vous de lui, ou tuez-le. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire une sentence vis-à-vis de cet homme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doux et miséricordieux envers les croyants et les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé cet homme wajalas, et il s'est assis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fatawa al-lajna da'ima. Hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح. حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إيمان به. Puis le Cheikh Al-Wasabi, hafizahullah, cite la fatwa du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, la fatwa numérotée 9580. Le hadith de Omar al-Khattab radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre pourvoyance, comme il accorde la pourvoyance à l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui revient en fin de journée le ventre plein. Quelle est la réalité de placer sa confiance en Allah? C'est-à-dire d'être véridique en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande des choses profitables et d'être épargné des choses nuisibles faisant partie de cette vie d'ici-bas ou de l'au-delà. Et le sens de ce hadith est que si les gens avaient placé véritablement leur confiance en Allah avec leur cœur et qu'ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala totalement dans la demande de ce qui leur est profitable et dans le repoussement de ce qui leur est nuisible, et que les gens mettaient en œuvre les causes bénéfiques, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur donnerait leur pourvoyance à la moindre cause qu'ils feraient. À la moindre cause qu'ils feraient, comme ils donnent à l'oiseau sa pourvoyance dans le simple fait de sortir le matin et de revenir en fin de journée. Et ceci est une demande. Celui qui sort le matin et qui revient en fin de journée. Est-ce qu'il a demandé son rizq ou pas? Oui. Mais ici, l'oiseau ne fait que sortir et revenir. C'est une façon de demander le rizq, mais c'est une façon qui est simple. Sortir et revenir. C'est une chose qui est simple, aisée, qui ne demande... Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y en a qui sortent le matin, mais qui travaillent très dur et reviennent le soir épuisés et évincés. Quant à l'oiseau, il sort le matin, il revient le soir, il n'a fait dans la journée que voler, passer de tel endroit à tel endroit. Puis, l'agenda, il m'a dit, et le fait de placer sa confiance en Allah Azzawajal ne renie pas le fait de mettre en œuvre les causes. De mettre en œuvre les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qu'il a prédestiné subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire les causes tout en plaçant sa confiance en lui. فَالسَّعْيُ فِي الْأَسْبَابِ بِالْجَوَارِحِ طَاعَ. Le fait de demander, de faire la cause avec les membres de son corps, de faire la cause pour demander son rizq, pour demander une chose bien, ou de se préserver d'une chose mal, est une obéissance. Et de placer sa confiance avec son cœur est une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهت فتوى اللجنة الدائمة. Et Allah عز وجل dit, et craignez Allah, et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala at-tawakkula ma'a at-taqwa allati hiya al-qiyam bil-asbab al-ma'mur biha. Allah azza wa jalla a ici cité le fait de placer sa confiance en lui avec la piété. Et la piété, c'est le fait de mettre en œuvre les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées. Et la piété, vous savez tous que parmi ces définitions, c'est le fait de mettre en pratique les ordres et de délaisser les interdits. Donc ainsi, toi, musulman, tu espères entrer au paradis. Et tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal dans cela. Est-ce que cela veut dire que tu ne fais pas de causes? La réponse est non. Tu dois faire des causes. Et parmi les meilleures causes qui te permettent d'entrer au paradis, c'est at-taqwa. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, la piété, qui est de faire les ordres et les obligations et de s'abstenir des interdits. Et l'ajna da'im a dit également, Et le fait de placer sa confiance sans mettre en œuvre les causes qui sont ordonnées est une faiblesse pure. C'est une faiblesse pure. Celui qui pense qu'il faut uniquement qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de cause, eh bien, ceci fait que sa confiance en Allah azawajal est faible et qu'elle constitue un grand manquement. Et certains même utilisent le hadith de l'oiseau. Allah azawajal, il donne le risque aux oiseaux. Pourquoi il ne le donnerait pas à moi? Oui, mais le professeur Asimi a dit que l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il sort et il revient en fin de journée. Donc, il fait un sabab. وإن كان مشوبا بنوع من التوكل même si le fait de penser cela constitue une sorte de confiance. Celui qui dit cela, on ne peut pas dire que il ne place pas du tout sa confiance en Allah. Non, il le dit lui-même, moi je place ma confiance en Allah, mais sa confiance est diminuée et est faible. فلا ينبغي للعبد ان يكون ان يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. Cette phrase elle est très bien de l'Ijna Da'ima. Le serviteur ne doit pas faire de sa confiance qu'il place en Allah une faiblesse, ni de sa faiblesse un placement de confiance en Allah. C'est-à-dire que sa confiance en Allah azawajal ne doit pas être faible en ne faisant pas de cause. Et il ne doit pas faire de sa faiblesse un tawakkul en disant « moi je fais rien ». Parce que je place ma confiance en Allah. Tu ne dois pas faire de ta faiblesse ou du fait que tu ne fasses rien, de considérer cela comme un tawakkul. بَلْ يَجْعَلُ تَوَكُّلَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَتِمُ الْمَقْصُودُ إِلَّا بِهَا كُلُّهَا. Mais de placer la confiance, comme je l'ai dit, pour espérer un bien ou être épargné d'un mal, eh bien, la confiance signifie tout ce qui est en rapport avec la confiance, c'est-à-dire de t'en remettre avec ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également de mettre en œuvre les causes qui te permettent d'atteindre ce but. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. Puis le Cheikh حفظه الله تعالى ouvre le chapitre de l'obligation de juger par ce qu'Allah a fait descendre et l'interdiction de juger par autre que ce qu'Allah azawajal a révélé. Et il cite de nombreux versets qui prouvent l'obligation de juger avec ce qu'Allah azawajal a révélé et l'interdiction de faire le contraire. قال تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 44 de Sourate Al-Ma'idah, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé ou a fait descendre, ce sont eux les mécréants. Et il a dit dans le verset 45 de cette même Sourate Al-Ma'idah, la table servie, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les injustes. Et dans le verset 47 de Sourate Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les pervers. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 49 de cette même sourate, la table servie, et juge entre eux par ce qu'Allah a fait descendre. ولا تتبع أهواءهم إن suis pas leur passion واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك et prends garde à eux pour ne pas qu'ils te détournent ou qu'ils t'éloignent d'une partie de ce qu'Allah a fait descendre sur toi. Ici, Allah Azza wa Jalla parle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Ma'ida, le verset 50. Afahukum al-jahiliyati yabroun. Est-ce le jugement de la période anti-islamique qu'ils veulent? Wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun. Et quel jugement est meilleur que celui d'Allah pour un peuple qui a la foi ferme. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ce dernier verset, à savoir le verset 50 de Surat Al-Ma'idah, la table servie. Il dit rahimahullah ta'ala, أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أي أَفَيَطْلُبُونَ بِتَوَلِّيهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْكَ حُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي ولهذا أضافه الله للجاهلية وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. الجزي رحمه الله. La parole d'Allah Azzawajal, est-ce le jugement de la période anti-islamique qu'ils veulent? C'est-à-dire, demandent-ils en se détournant de toi? Veulent-ils en se détournant de toi le jugement de la période anti-islamique? Qu'est-ce que le jugement de la période anti-islamique? C'est tout jugement qui contredit ce qu'Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc que le jugement d'Allah et son envoyé ou le jugement de la période anti-islamique. Celui qui se détourne du premier sera éprouvé par le second. Celui qui se détourne du jugement d'Allah et de son envoyé sera alors éprouvé par le second jugement, qui est le fait de juger par conformément à ce qui était en application pendant la période anti-islamique, avant que l'islam ne vienne, qui, et ce deuxième jugement, est basé sur l'ignorance, sur l'injustice. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a associé à la période anti-islamique. Car la période anti-islamique était une période noire, était une période sombre dans laquelle les gens vivaient presque comme des animaux, wal'ayadu billah, où les hommes, surtout les arabes, enterraient leurs filles vivantes, wal'ayadu billah, où un homme, comme on l'a vu à plusieurs reprises, pouvait divorcer de sa femme autant qu'il le voulait. La femme n'avait, comme on l'a vu aussi à plusieurs reprises, n'avait aucune part d'héritage. Elle était même considérée elle-même comme un héritage. Ce n'était plus une héritière, mais c'était un héritage, wal'ayadu billah, et beaucoup d'autres jugements qui étaient pleins d'ignorance et pleins d'injustice. Quant au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est basé sur la science, il est basé sur la justice, il est basé sur l'équité, sur la lumière et la guidée. Et quel jugement est meilleur que celui d'Allah pour les peuples qui ont une foi ferme. C'est-à-dire que celui qui a la certitude, celui qui a une foi ferme, et celui qui connaît la différence entre ces deux jugements, et qui différencie et distingue avec certitude, avec conviction, ce qu'il y a dans le jugement d'Allah comme beauté et clarté, et que c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par la raison et par la religion, est celui qui doit être appliqué et suivi. Et la certitude, c'est la science complète qui implique de vrai. Lorsqu'on dit qu'une personne, elle est mutayaqqin, elle a la science complète, elle a la certitude, eh bien celui qui est certain d'une chose doit mettre en pratique celle-ci. Si tu sais que le jugement d'Allah Azzawajal avec certitude est celui qui doit être et le meilleur et le plus complet, le plus juste, eh bien tu dois le mettre en pratique. وقال يوسف عليه السلام شيخ الوصابي حفظه الله دي وقال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Et Yusuf alayhi salam, comme nous en informe Allah azawajal, a dit, dans surat Yusuf verset 40, le jugement n'est qu'à Allah. Il a ordonné de n'adorer que lui. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et Yaqub alayhi salam a dit, comme Allah azawajal nous en informe, dans surat Yusuf également, le verset 67, le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est envers lui que je place ma confiance et c'est envers lui que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. وقال تعالى ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وقال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقال سبحانه وتعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 26 de sourate Al-Kahf, ils n'ont d'alliés en dehors de lui personne et ils n'associent dans son jugement personne. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 41 de sourate Al-Ra'd, selon le sens, Allah juge, nul ne peut s'interposer ou s'opposer à son jugement, wa huwa sari'ul hisab, et Allah est rapide en jugement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-An'am, les bestiaux, le verset 62, à lui le jugement et c'est le plus rapide des juges subhanahu wa ta'ala. Wa qala 'azza sha'nuhu in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haq wa huwa khayrul fasilin. وقال تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 57 de sourate Al-An'am, les bestiaux, le jugement n'appartient qu'à Allah, c'est lui qui tranche en toute vérité et c'est le meilleur des juges. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 114 de cette même sourate Al-An'am, أفغير الله أبتغي حكما, est-ce un autre juge qu'Allah que je vais prendre, alors que c'est lui qui a fait descendre le livre de façon bien détaillée. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Shura, le verset 21, ont-ils des associés qui leur ont légiféré de la religion ce qu'Allah n'a pas autorisé, si ce n'était la parole qui tranche? Et ici, les savants ont dit « Al-ajalul musamma » qu'Allah Azza wa Jalla a donné à chaque chose un terme bien déterminé. Si ce n'était ce terme bien déterminé, il aurait jugé entre eux. « Wa inna al-zalimina lahum adhabun alim » et les injustes auront un châtiment douloureux. Si ce n'était un terme bien déterminé, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a donné à chacun un terme bien précis, notamment une durée de vie. Donc, l'offenseur, l'injuste Est-ce qu'il a une durée de vie? Oui. Pendant toute cette durée de vie, il sera injuste. Si ce n'était cette durée de vie qu'Allah Azzawajal a accordée à chacun, il aurait, sur le champ, séparé entre les injustes et les justes. Et il aurait, sur le champ, subhanahu wa ta'ala, fait en sorte que la vérité soit séparée de du faux. Wa qala ta'ala, et Allah Azzawajal a dit, et lorsque vous vous divergez sur une chose, son jugement revient à Allah. Ainsi, Allah est votre Seigneur, et c'est envers lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je me repens. وقال تعالى وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى له الحكم وإليه ترجعون وقال شعيب عليه السلام لقومه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 65 de sourate An-Nisa, par Allah, ils ne seront, par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils t'auront pris juge sur les divergences qu'ils ont entre eux et qu'ils ne ressentent en leur personne aucune gêne dans ce que tu auras décidé tout en s'y soumettant entièrement. Ici Allah Azza wa Jalla jure que les croyants ne seront véritablement croyants que lorsque ils sont en divergence ou en désaccord entre eux, ils te prennent comme juge. Toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te prennent comme juge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va juger sur eux en utilisant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, qu'ils prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Deuxièmement, qu'ils ne ressentent aucune gêne dans le jugement que tu auras donné. Car ce ne peut être que la justice même. Et troisièmement, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا et qu'ils se soumettent entièrement à ton jugement. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate At-Tin, Sourate le Figuier, verset 8, Allah n'est-il pas le plus sage des justes, le plus sage des juges? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Qasas, les histoires, le verset 88, à lui le jugement et c'est vers lui que vous retournerez. Et Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple, comme nous en informe Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-A'raf, le verset 87, patientez jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous, et c'est le meilleur des juges. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla juge entre nous, c'est-à-dire qu'il châtie celui qui mérite d'être châtié. Et Allah Azza wa Jalla a châtié le peuple de Shu'aib. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ولا تكون حاكما بالعدل إلا إذا حكمت بما أنزل الله وأما إذا حكمت بغير ما أنزل الله فقد حكمت بالظلم. Et Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 58 et 59 de Sourate An-Nisa, les femmes. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Allah vous ordonne de restituer le dépôt à celui à qui il revient. Et lorsque vous jugez entre les gens, de juger par la justice. Allah vous donne une belle exhortation. Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son prophète et au gouverneur parmi vous. Et si vous êtes en désaccord sur une chose, alors exposez-la à Allah et à son envoyé. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, voilà ce qui est meilleur et voilà la meilleure interprétation. Et Cheikh al-Wasabi, hafidhahullah, a dit, et tu ne peux juger par la justice que lorsque tu juges par ce qu'Allah a fait descendre. Et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, a alors jugé par l'injustice. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا الله عز وجل قلت ولا تكونوا حاكما بالحق إلا إذا حكمت بما أنزل الله وأما إذا حكمت بغير ما أنزل الله فقد حكمت بالباطل. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 26 de sourate Sad, selon le sens, ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc entre les gens par la vérité et ne suis pas les passions, car elles t'égareront du sentier d'Allah. Ceux qui s'égarent du sentier d'Allah, à eux un châtiment douloureux, un châtiment terrible, de par le jour de la rétribution ou du jugement qu'ils auront oublié. Et Cheikh al-Wasabi, hafidhahullah, dit, et tu ne peux juger par la vérité que lorsque tu juges par ce qu'Allah a fait descendre. Quant à celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, alors jugez par le faux. تنبيه رمارك ينقسم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إلى أربعة أقسام. Ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a fait descendre sont de quatre sortes. الأول أن يقول إن الحكم بالشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع فهذا كفر مخرج من الملة. Premièrement, la première sorte, de dire que le jugement d'Allah est, vous verrez par la suite, on peut le dire tout de suite, que c'est la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. La remarque est une remarque que Cheikh Al-Wasabi rapporte du Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme cela est présent dans ses fatawa. La première sorte est de dire que de juger par la loi d'Allah est meilleur, mais que rien n'interdit de juger par autre que cette loi. Ceci est de la mécréance qui fait sortir de la religion. الثاني أن يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق وهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة. La deuxième sorte est de dire que la loi d'Allah et les autres lois sont pareilles, sont égales et il n'y a pas de différence. Ceci également est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. الثالث أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع وهذا أيضا مخرج من الملة وهو أقبح الثلاثة. La troisième partie est de dire que les autres lois sont meilleures que la loi d'Allah. Et ceci également fait sortir de l'islam, et c'est des trois paroles citées la pire. Car le premier a dit que la loi d'Allah est meilleure, mais qu'il n'y a aucun inconvénient à juger par autre que la loi d'Allah. Le second a dit que les deux sont équivalentes. Et le troisième a dit pire que les lois autres que celles d'Allah sont meilleures que celles d'Allah. Comment des lois instaurées et légiféré par des êtres humains qui sont aussi faibles les uns les autres, peut-elle être meilleure qu'une loi qu'Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, a légiféré? Comment une personne qui a de la raison peut en arriver à dire des choses comme celle-ci? Et vous voyez très bien qu'à notre époque, les gouvernements changent comme ils changent de chemise. Lorsqu'un gouvernement légifère une loi, celui qui vient après, bah, voit en fait que celle-là ne correspond pas, donc il la change ou l'abolit. Et ni les lois, elles changent quasiment du jour au lendemain. Or, la loi d'Allah Azzawajal, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne changent pas et ne changeront pas jusqu'au jour dernier. Et le musulman, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, lorsqu'ils appliquent la loi d'Allah Azzawajal, eh bien, ils connaîtront la félicité, ils connaîtront le bonheur, ils connaîtront l'équité, et ceci jusqu'à la fin des temps. Pour cela que le Coran, la loi d'Allah Azzawajal, est valable en tout temps, en tout lieu et en toute époque. Ar-Rabi'a, la quatrième partie. أن يعتقد أن الواجب تحكيم شرع الله ولا يجوز تحكيم غيره ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو لأمور سياسية أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع فهذا يكون ناقص الإيمان وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم والله المستعان. La quatrième sorte est de croire que ce qui est obligatoire est de juger par la loi d'Allah et qu'il est interdit de juger par une autre loi. Mais cette même personne peut juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre en suivant ses passions, notamment contre son peuple, ou à cause d'un pot de vin qu'il recevrait, ou pour des causes politiques ou autre cause, tout en sachant qu'il est injuste et qu'il commet une erreur et qu'il contredit la religion. Celui-ci a la foi diminuée, fortement diminuée. Et ainsi, en faisant cela ou en agissant de la sorte, il est considéré comme un mécréant d'une petite mécréance, un offenseur, un injuste d'une petite injustice, un pervers d'une petite perversité. Et ici, quand on dit petite perversité, petite injustice et petite mécréance, ça ne veut pas dire que c'est une chose simple et aisée. Ça veut dire que ce n'est pas la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Cela veut dire que on ne peut pas comparer cette quatrième catégorie aux trois premières. Comme cela a été rapporté de façon authentique, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui, lorsqu'il a cité les trois versets de Sourate Al-Ma'ida, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, il a dit, ce n'est pas la mécréance à laquelle vous pensez. C'est la mécréance sans être une mécréance. Autrement dit, une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Et cela a été rapporté également par Mujahid et par un groupe des salaf, rahimahumullah, et c'est la parole des gens de la sunna. Wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ah, contrairement à la parole des khawarij et des mu'tazilah et de tous ceux qui ont suivi leur chemin. Et Allah Azza wa Jal est le seul à qui nous demandons l'aide. On aktafi bihada al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.